Aujourd'hui, l'incident nucléaire de la centrale de Blaye avec notre invitée Marie Frachis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes juriste spécialisée en droit nucléaire et environnemental. Vous occupez depuis septembre 2011 le poste de coordinatrice des questions juridiques au sein de l'association Réseau Sortir du Nucléaire et vous avez participé à la rédaction du livre L'opposition citoyenne au projet CIGEO, rédigé par un collectif d'auteurs sous la direction du professeur Pierre Ginet, géographe. Le livre est publié aux éditions L'Harmattan. Bien, alors à la centrale de Blaye, en cette fin du mois de décembre 99, on est donc passé, et au dire des personnels d'EDF, tout près de la catastrophe. Alors, on n'a rien dit de cet incident, ou presque, au moment, parce que le dogme de la France, pour l'instant, c'est de dire, oui, effectivement, on a beaucoup d'installations nucléaires, mais c'est jamais rien passé. C'est d'ailleurs ce que disaient les Japonais avant le 11 mars 2011. Mais aucune décision majeure n'a été prise pourtant après cet incident pour cette centrale et pour d'autres centrales. Pourquoi ? C'est un déni de réalité ? Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est vrai qu'en France, il y a une espèce de religion du nucléaire. Et c'est vrai que quand on parle du nucléaire, c'est tout de suite un sujet très sensible. Oui. Nous, on y est confrontés au quotidien. Et du coup, on s'aperçoit que c'est très difficile d'obtenir des avancées en la matière, des avancées politiques pour obtenir des décisions de sortie du nucléaire. Parce qu'on sait qu'on y est rentré à un moment donné, qu'on a mis en place des installations qui ont une durée de vie. Qui ont été construites pour une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années. Mais on sait qu'à un moment donné, elles vont arriver en fin de vie et qu'il va falloir envisager de passer à autre chose. Or, aujourd'hui en France, c'est pas du tout les choix politiques qui sont faits. On voit très clairement que les dernières décisions politiques en la matière ont plutôt tendance à aller dans le sens, on réinvestit massivement dans le nucléaire et on recrée de nouvelles installations. Or, il s'avère que le nucléaire n'est pas une solution et que la France reste le pays le plus nucléarisé au monde et qu'on est l'un des rares pays à faire ce choix-là. Et puis dans un pays démocratique comme la France, comment une telle politique du secret soit si active ? Alors bien sûr, il existe les CLIN, comités locaux d'information sur le nucléaire, donc avec les populations, notamment riveraines des centrales. Il existe l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il existe l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, qui donne d'ailleurs des informations sur leur site. Donc c'est pas tout n'est pas complètement caché, mais la population ne peut pas prendre la moindre décision, même à travers les clins. Est-ce qu'on assiste là à un déni de démocratie ? Alors, on peut parler de déni de démocratie. Tout simplement, le nucléaire, c'est pas un choix de la population. Il a été imposé. Donc, à partir de là, c'est très compliqué de revenir dessus. Alors, effectivement, comme vous le dites, il y a ce qu'on appelle les CLI, les commissions locales d'information, qui sont instituées auprès de chaque site nucléaire. Le problème, c'est que dans ces organes, il y a seulement des élus, des représentants de l'exploitant. Alors effectivement, il y a quelques places qui sont réservées aux associations, mais ça reste vraiment minime. Et ce sont souvent des organes qui ont très peu de moyens de fonctionnement, qui du coup sont soumises uniquement au discours de l'exploitant et qui du coup ont très peu de prise pour agir. À côté de ça, on a une loi. Alors il y a eu une évolution de la réglementation en matière nucléaire, puisque au départ, c'était une matière qui était très peu réglementée. Mais en 2006, on a eu la loi transparence. Et sécurité nucléaire, le beau terme de transparence qui est vanté souvent en matière nucléaire. Alors c'est une loi qui s'applique pour le nucléaire civil et ce texte permet notamment à tout un chacun de demander à un exploitant des informations sur son installation nucléaire parce que l'exploitant est le premier débiteur de l'information en matière de sûreté nucléaire. À côté de ça, on peut aussi interroger l'autorité de sûreté nucléaire. Est-ce qu'elle est indépendante ? Parce que le vrai problème de l'ASN et de l'IRSN, peut-être, je n'affirme strictement rien, c'est l'indépendance. Est-ce que ce sont des organes indépendants ? Même s'ils ont été nommés par le gouvernement, l'IRSN avait été créé par Dominique Voynet, je crois, au sein du gouvernement Jospin, à l'époque, pour qu'il y ait un service public indépendant des décisions du gouvernement. Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux ? Ou est-ce qu'ils ont une certaine indépendance ? Alors, officiellement, l'autorité de sûreté nucléaire, c'est une autorité administrative indépendante. Donc, elle est censée, effectivement, être indépendante. Le problème, c'est qu'elle est prise entre plusieurs feux. Déjà, elle a vraiment un manque de moyens. Ça, c'est évident. Ce qui fait qu'elle est très dépendante du discours de l'exploitant, qui, puisqu'on fonctionne sur un système déclaratif, c'est-à-dire que c'est l'exploitant qui va du coup déclarer à l'autorité de sûreté nucléaire lorsqu'il va y avoir des problèmes sur son site. Et du coup, l'autorité de sûreté va effectivement procéder à certaines vérifications. Elle va parfois se rendre sur les sites nucléaires pour du coup vérifier les informations qui lui sont transmises. Mais ça reste, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose, qui sont extrêmement limités. Et à côté de ça, elle va être parfois prise entre plusieurs feux, entre les demandes politiques, sa volonté de faire passer avant tout la question de la sûreté, et puis les intérêts économiques. Bien sûr. Et on l'a vu très clairement sur la question de la cuve de l'EPR de Flamanville, puisque je ne sais pas comment vous avez des informations à ce sujet, mais en tout cas la cuve de l'EPR aujourd'hui est une cuve qui est fabriquée dans un acier pour son couvercle et pour son fond de cuve qui est défectueux. Malgré ça, l'autorité de sûreté nucléaire a quand même autorisé sa mise en service parce que, très clairement, la recapitalisation d'Areva était conditionnée à ce que cette cuve soit validée. Donc à partir de là, l'autorité de sûreté nucléaire, son indépendance, elle reste dans une moindre mesure. Bien sûr. Alors après Tchernobyl, on a dit oui, mais c'est pas les mêmes centrales, la même technologie que chez nous. C'est des centrales de type MBK. Chez nous, on utilise une technologie à eau pressurisée, au Japon à eau bouillante. Et on s'est dit, ben voilà, c'est forcément plus sûr cette technologie que celle de Tchernobyl. Est-ce qu'on va pouvoir se reposer longtemps sur cette certitude entre guillemets? Alors c'est bien sûr pas le cas, l'accident du Blayais nous le montre, on est passé quand même à deux doigts de la catastrophe. Les deux pompes qui ont permis d'assurer le refroidissement de la centrale ont bien fonctionné, heureusement. Les circuits de secours ont bien fonctionné à ce moment-là, mais il faut dire qu'on se situait juste avant le bug, l'an 2000, le passage à l'an 2000, et donc avec la crainte du bug de l'an 2000, il y avait un certain nombre de vérifications qui avaient été faites par anticipation, et ce qui fait que tout a bien fonctionné et qu'on a pu éviter la catastrophe. Le souci, c'est qu'on peut s'imaginer que dans certaines circonstances, ce ne soit pas forcément le cas. Effectivement, on n'est pas sur le même type de réacteur qu'à Tchernobyl ou qu'à Fukushima. Nous, on a des enceintes de confinement qui sont autour du réacteur, qui sont une barrière de défense. Sauf que on s'aperçoit que parfois l'accumulation d'aléas climatiques peut créer une véritable catastrophe et c'est très difficile en matière de nucléaire de tout anticiper. Alors je précise que les réacteurs à eau pressurisée utilisent des modérateurs. En revanche, on a un RNR, un réacteur à neutrons rapides, qui lui n'utilise pas de modérateur, qui cherche à exploiter de la façon la plus complète possible les propriétés du combustible. Et c'était le cas du réacteur Phoenix. Alors, après Fukushima, il y a eu ce qu'on appelle des crash tests. Hein. On a testé les centrales nucléaires pour voir leur résistance à des phénomènes climatiques dangereux comme celui du Japon. Qu'ont donné ces crash tests finalement? Parce qu'il y a eu un effet d'annonce, hein. On a beaucoup parlé et puis après un peu moins. Tout à fait. Alors le terme qui a été employé par du coup les professionnels du nucléaire, nous allons dire ça, c'est les évaluations complémentaires de sûreté, donc qui ont été menées sur l'ensemble du parc nucléaire français pour apprécier justement leur résistance à des agressions externes et à l'accumulation potentielle d'agressions externes. Du coup, ce qui a été ensuite demandé par l'autorité de sûreté nucléaire, c'est un certain nombre de mesures pour prévenir l'accumulation potentielle d'agressions externes. Et notamment, a été demandé la mise en place de diesel d'ultime secours, on appelle DUS dans le jargon, qui du coup sont censés être installés sur l'ensemble de nos centrales nucléaires, qui sont des diesels qui pourraient produire de l'électricité en cas de perte totale des sources d'approvisionnement électrique sur les centrales et qui seraient placés dans des bâtiments bunkerisés, donc censés résister à tout type d'aléas climatiques. EDF était censé mettre en place ces sources d'approvisionnement d'ici le 31 décembre 2018. Or, ça y est, c'est déjà dépassé. Et EDF, en fait, s'est retrouvé au dernier moment à devoir demander à l'ASN un report de cette échéance parce qu'elle n'était pas en capacité de mettre en place ces installations sur les sites. Alors, il y a seulement à Saint-Laurent-des-Eaux qu'a été installé ce type d'équipement. Mais pour l'instant, c'est encore en cours sur l'ensemble des centrales nucléaires. Et donc, on s'est retrouvé un industriel va du coup dicter ses choix et son calendrier à la sûreté. Et c'est pas la sûreté, du coup, qui s'impose, en fait, aux exploitants. Et c'est bien trop souvent le cas en matière nucléaire. Quel est le plus grand danger, finalement, en termes de sûreté? Je parle pas de sécurité. La sécurité, ça prend en compte un autre concept. C'est la sécurité, c'est comment lutter, par exemple, contre un attentat, un avion qui se jetterait sur une centrale. On est dans la sûreté. Donc, ce sont les problèmes endogènes d'une centrale. C'est quoi, à votre avis, le danger le plus important? C'est le vieillissement des centrales? C'est le danger sismique ou c'est le danger climatique, comme les tempêtes, ou tout à la fois? C'est un peu tout à la fois. Je pense que, enfin, c'est très difficile de vous donner un avis tranché sur la question. Bien sûr. De toute façon, on est dans un contexte de réchauffement climatique. On sait qu'il va y avoir de plus en plus d'événements externes, d'agressions externes qui vont se produire. Alors, ça peut être effectivement des tempêtes, mais ça peut aussi être des sécheresses, des canicules. Or, nos centrales nucléaires, elles ont un besoin de refroidissement permanent. Ce qui fait qu'elles vont, du coup, pomper de l'eau dans nos fleuves. Et lorsqu'elles fonctionnent en circuit ouvert, eh bien, en plus, elles recrachent cette eau à une température élevée dans les cours d'eau avoisinants. Ce qui fait que lorsqu'on est en période de sécheresse extrême, la température des cours d'eau augmente et avec, du coup, un impact nécessaire sur le milieu aquatique, sur la faune et la flore qui contiennent. Et plus il va y avoir des épisodes d'extrême chaleur, et plus cette question va se poser. Et donc, on est déjà régulièrement confronté à EDF qui va faire des demandes à l'autorité de sûreté nucléaire pour modifier, pour demander une dérogation exceptionnelle de son arrêté de rejet, pour pouvoir du coup dépasser les seuils qui sont normalement admis par rapport à cette question de température des cours d'eau. Et donc, dans un contexte de réchauffement climatique, on peut imaginer que la problématique va d'autant plus se poser. Alors, concernant cette pollution quotidienne, ces rejets de radionucléides un peu partout dans notre environnement et notamment dans les cours d'eau, on va écouter l'interview d'Alain Correa, membre d'une commission d'information sur le nucléaire, un clin. Annel Verzo, notre reporter, l'a rencontré à Nelodan, un village voisin de Neuchâtel-en-Braye, où l'on produit un délicieux fromage, et qui dit fromage dit lait, et qui dit lait dit gros problème en cas d'accident nucléaire. Le lait fait partie des denrées rapidement et hautement contaminables. C'est pourquoi, dans un livre blanc paru en fin 2015 sur la gestion de crise post-accident nucléaire, l'Association nationale des comités et commissions locales d'information suggère que le choix des terres pour l'épandage du lait contaminé soit fait de façon démocratique. On écoute ça. Excusez-moi, on cherche la ferme de Muriel. C'est la ferme fromage ? Oui. On vient de passer devant, c'est ça ? Enfin, un peu plus haut ? Juste en face, d'accord. Oui. Oui, c'est un producteur. Bon, ok. Merci madame. Merci beaucoup. Ah, c'est une dame qui est en train de faire son jardin. Je me trouve à côté de Neufchâtel en Bray, dans un petit village qui s'appelle Nelodang. Et on se trouve à peu près à 30 km de... Enfin, il y a deux centrales nucléaires qui sont pas très loin. Il y a 6 réacteurs nucléaires, 2 à Penly et 4 à Paluel. Ça fait 6 en tout. C'est Alain Correa. Militant anti-nucléaire. Ouais, militant anti-nucléaire, oui. Membre de la CLIN, donc la Commission locale d'information sur le nucléaire, des centrales de Paluel, Penly, Dieppe. Là, on va se rendre chez un producteur de fromage de Neufchâtel qui a accepté de nous recevoir pour qu'on lui soumette un questionnaire. Pour savoir s'ils sont d'accord pour recevoir du lait contaminé et les épandre dans leur champ. Voilà, on arrive là, ça doit être Muriel. Oui, bonjour Alain. Vous êtes Muriel ? Bonjour. Annaël, enchantée. Bonjour Alain, monsieur le fils. Donc on est autour d'une table. Et c'est vos trois fils? Mes trois fils. Alors ici, c'est une ferme qui produit du fromage? Oui, du fromage de Neuchâtel. Bah là, nous, on a 150 vaches laitières sur 180 hectares. On transforme toute la production en fromage de Neuchâtel. Le nucléaire, on ne peut pas trop s'en passer. Alors justement, Alain, vous avez une question par rapport au nucléaire? Alors, dans le livre blanc sur la gestion accidentelle et post-accidentelle, il y a une recommandation de demander à des agriculteurs s'ils seraient d'accord pour épandre dans leurs champs du lait contaminé. Parce qu'en cas d'accident nucléaire, tout l'environnement, là où il y a les retombées, sera contaminé avec différents radioéléments. Donc les vaches vont brouter l'herbe qui sera contaminée et donc par voie de conséquence, le lait sera contaminé. Donc impropre à la consommation. Et donc l'objectif, c'est, comme on ne peut pas conserver ce lait, on le détruit. Et pour le détruire, on l'épand dans les champs. Alors est-ce que vous seriez d'accord pour épandre ce lait contaminé dans vos champs? Moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais si on vendait le lait, comme vous dites, sur les terres, on contamine les terres, et pour combien d'années? Parce qu'après, on ne peut plus s'en servir de ces terres-là. Donc on ne peut plus nourrir les vaches. Vous en avez parlé ou pas dans le livre blanc, Alain ? On n'a pas évoqué, mais... Le livre, il est blanc, mais... tout est écrit. Oui, oui, complètement. Alors là, complètement, ça, il ne s'appelle pas livre blanc pour rien. Vous posez les bonnes questions. Ah bon, il n'y a pas forcément que le nucléaire. Nous, là, en Seine-Maritime, il y a eu une fuite, un mélange de gaz chez Lubrizol. Nous, je vous jure, la nuit, tout le monde s'est réveillé. On croyait qu'il y avait fuite de gaz dans les maisons. C'était infernal. À nous, Servier avec les yeux en pleurs et puis on tout. On dirait qu'est-ce qui se passe. Et puis bon, on aurait pu être tous gazés. Donc, servier d'urgence, t'appelles, bah, tout est saturé, bah, tu sais pas quoi faire. On était un peu perdus. Ouais. Vous l'avez senti, la seule différence, c'est que vous le sentez. C'était une fuite de mercaptan. Le mercaptan, c'est ce qu'on met dans le gaz pour le rendre malodorant. Tout le monde l'a senti, je veux dire, Rouen, Paris, le sud de Londres, tout le monde l'a senti. Et bah, le problème, c'est qu'avec le nucléaire, on le sent pas. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on diffuse du mercaptan lors des fuites en cas d'accident nucléaire, où justement, ça permettrait de localiser le nuage radioactif. Mais est-ce que la Terre n'a déjà pas de la contamination qui arrive petit à petit, vu qu'on ne nous dit rien, ça, c'est pareil. Non, c'est vrai que le système des rejets, c'est vrai que certains y pensent. On ne sait pas, Parce que par rapport aux autres coins de la France, on est quand même un peu plus concernés, hein. Vous n'avez pas eu de pastilles d'iode ici ? Non. Ça s'arrêtait à Londinière, à une dizaine de kilomètres d'ici. Mm-hmm. C'était un cercle autour, 30 km autour, je crois. Mais ça n'a pas dépassé les 30 km. Ils considèrent qu'après... Après, il n'y a plus de risque. Moi, personnellement, je préférais une grosse éolienne pas loin de chez moi que tout ça. Finalement, on préférait l'éolienne au nucléaire. Après, moi, je vois pas trop le problème. L'éolienne, elle tourne avec le vent, elle n'arrêtera jamais de tourner. Ou sinon, après, si on veut plus de nucléaire, il faut peut-être se pencher un peu sur ce que faisaient les anciens, les moulins à eau. Voilà, une autre version du bon sens près de chez vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie-Frangis, ce que vous venez d'entendre ? Alors, c'est vrai que, alors d'une part, si effectivement on met en parallèle la carte de nos installations nucléaires et de nos centrales et la carte de nos produits du terroir, de nos vins, de tout ça, on voit très clairement que s'il y avait un accident nucléaire en France, on aurait forcément des produits qui seraient impactés et donc du coup forcément des conséquences aussi en termes économiques. Au-delà de ça, il est évoqué dans le reportage la question de la distribution des pastilles d'iode. Oui. Donc depuis août 2018, il a été étendu le périmètre de ce qu'on appelle les plans particuliers d'intervention, donc qui sont les plans locaux de gestion de crise en matière nucléaire et qui sont mis en place et qui prévoient notamment la gestion des secours lorsqu'il y a un accident nucléaire qui survient. Et dans le périmètre de ces plans sont distribuées les pastilles d'iode, donc qui sont censées permettre d'éviter au maximum des retombées sur la santé d'un accident nucléaire. On nous vend ça comme le remède miracle à une catastrophe, sauf qu'en fait, ces pastilles d'iode, ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet effectivement de protéger de l'iode radioactif, mais lorsqu'il y a un accident nucléaire, il n'y a pas seulement de l'iode radioactif qui est rejeté, il y a tout un tas d'autres radioéléments, et ça ne nous permettrait pas de nous protéger de ça. Alors, l'autre grand problème du nucléaire, ce sont les déchets, évidemment. C'est-à-dire qu'on a pensé à une industrie sans penser ce qu'on allait faire des déchets générés par la dite industrie. Tout ça, c'est absurde, déjà. Bah, maintenant, on a ce fardeau. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ? La politique de la France a été le choix dit d'enfouissement en couches géologiques profondes, et donc à Bure, mais Bure n'est pas en service. Hein. Il y a un facsimilé de Bure qui se trouve à Tournemire, dans le sud de la France, où des chercheurs voient comment ils peuvent enfouir. La technique, c'est l'argile, hein, pour l'instant. Bon, et on en fait quoi des déchets avant que ça soit en service, tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait des déchets ? On les met, ils sont où, concrètement ? Alors c'est vrai que cette question des déchets, c'est quand même assez fou parce qu'on ne s'est pas posé la question au moment où on a créé les centrales nucléaires. Ça vient seulement du coup maintenant. C'est une question que du coup on risque de léguer à nos générations futures parce que les déchets vont rester radioactifs pour certains pendant des milliers d'années. Oui. Donc aujourd'hui, effectivement, on nous propose une solution. Cette solution de l'enfouissement des déchets radioactifs, enfin on ne la propose pas, on nous l'impose. Aujourd'hui, très clairement, c'est la seule solution qui est envisagée et on a tout misé là-dessus. Alors il y a un laboratoire qui a été créé à Bure dans la Meuse pour commencer à évaluer cette solution. Là, on nous parle maintenant de mettre en place une phase pilote à ce projet pour tenter de voir comment l'installation se comporterait et puis derrière passer en phase industrielle. Alors, on peut pas parler des déchets sans parler non plus de la question du coût. Parce que en matière de coût, la gestion des déchets, ça va être quelque chose de colossal. Alors, à l'heure actuelle, il y a un arrêté qui a été pris par Ségolène Royal en 2015 qui a fixé cette question de la gestion du coût à 25 milliards d'euros. Ce coût est largement sous-évalué. Ça ne répond, en fait, c'est un espèce de coup de compromis entre ce que demandaient les industriels et ce qui a été dit par la Cour des comptes, notamment, ou l'autorité de sûreté nucléaire. Du coup, Ségolène Royal a un peu tranché la poire en deux en disant, bon, voilà, on fixe ce coût arbitrairement à 25 milliards d'euros. Il faut savoir que les industriels ont tout intérêt à ce que ce coût soit évalué le plus faiblement possible parce que, à ce moment-là, ils ont à provisionner le moins possible pour la gestion de leurs déchets radioactifs. Et ce qui se passe, du coup, aujourd'hui, c'est qu'on pense que ce coût est bien trop faible, que ça permettrait certainement de financer seulement la phase pilote du projet CIGEO, mais pas du tout tout le reste, parce que la gestion des déchets radioactifs, elle va au-delà de cette question de CIGEO, et que du coup, ce serait bien sûr après derrière aux contribuables français de payer la note. Ça, c'est pour les coûts, effectivement, la dimension économique du problème. Maintenant, sur la dimension technique, j'y reviens. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, mais est-ce que c'est pas quand même la meilleure solution, même si d'un point de vue philosophique, c'est très contestable hein, de laisser sous la terre comme ça un héritage à nos futures générations. Mais enfin, d'un point de vue technique, est-ce que c'est pas la meilleure solution, quand même? Alors déjà, de les enfouir au plus profond de la terre. Déjà, nous, au niveau de notre association, c'est vrai que la première solution, celle qui nous paraît indispensable, c'est d'arrêter de produire des déchets, en fait, et donc de sortir du nucléaire. Certes, mais enfin, bon, pour l'instant, on n'arrête pas d'en produire. Donc c'est pour ça que là, je suis très concret, très terre-à-terre, et terre-sous-terre même. Alors, c'est pas la meilleure solution. Il faut se dire que pendant un temps, on a aussi pensé que la meilleure solution, c'était de les jeter à la mer. Donc, voilà, on n'a pas forcément beaucoup de recul sur les solutions. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que ça présente un certain nombre de risques, qu'il y a de plus en plus d'experts qui se prononcent contre cette solution-là, parce que une fois que les déchets sont enfouis à 500 mètres de profondeur. Si jamais il y a un souci, il y a une impossibilité de les récupérer. Mmh. On sait qu'il y a des risques d'incendie. On ne sait pas comment le sous-sol va évoluer dans l'avenir. Comme je vous l'ai dit, c'est des déchets qui vont rester radioactifs pendant des milliers d'années. Et une autre question qui se pose, c'est aussi comment transmettre la mémoire de ce site aux générations futures. Parce que comme c'est un site qui est censé durer sur des milliers d'années, comment derrière transmettre l'information qu'il y a un site aussi dangereux à 500 mètres de profondeur sous terre? D'autant qu'on peut imaginer que les générations à venir auront peut-être besoin d'aller s'approvisionner en énergie sous terre et donc vont peut-être creuser et vont tomber sur nos galeries de déchets qu'on leur aura refilées. Vous avez une meilleure solution? Alors, nous, on ne se prononce pas sur une solution, comme je vous l'ai dit. Nous, on demande tout d'abord qu'on prenne la décision de sortie du nucléaire. D'accord. Et après, on peut envisager sereinement les solutions à cette question des déchets. En tout cas, il y a... Oui, sauf qu'il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas forcément attendre de pouvoir sortir du nucléaire si on en sort pour penser aux déchets. Il faut y penser maintenant. C'est pour ça que je vous pose la question. Ce qu'on demande aussi à côté, c'est qu'il y ait d'autres solutions qui soient étudiées. Parce que, comme voilà. Je vous l'ai dit, c'est qu'on s'est entêté dans cette solution de l'enfouissement des déchets radioactifs sans envisager d'autres solutions qui permettraient peut-être une réversibilité. Or, la solution des déchets radioactifs, de les enfouir à 500 mètres de profondeur, ça ne laisse pas d'autre choix. Et si jamais, dans l'avenir, on parvenait à trouver une solution meilleure, eh bien, on ne pourrait pas aller récupérer les déchets une fois qu'ils auront été enfouis à 500 mètres. La différence, c'est qu'il y a certains experts qui parlent de stockage en surface ou en subsurface, ce qui permettrait de les surveiller. Et en plus, derrière, si jamais on trouve une autre solution, de pouvoir passer à autre chose, de récupérer donc les déchets. Bien, alors sortir du nucléaire, oui, pour ceux qui veulent en sortir, mais comment? Parce que l'énergie nucléaire est une énergie qui apporte une certaine indépendance à la France, c'est pas pour ça qu'il faut pas en sortir, mais si on veut en sortir, il faut quand même une action parallèle. Il faut comment on en sort en prenant en compte aussi le coût, et la complexité et la durée de démantèlement de centrales nucléaires. C'est une problématique importante et très compliquée. Bien sûr, c'est très complexe. Alors déjà, je reviens sur cette question de l'indépendance énergétique de la France par le biais du nucléaire, qui est en fait un mythe, puisque on n'est pas indépendant. L'uranium, depuis longtemps, il n'est plus sorti des mines de France. On va le chercher au Niger, au Kazakhstan, et on les transporte ensuite par bateau jusqu'en France. Donc déjà... ce n'est pas une indépendance énergétique à partir du moment où la base de fonctionnement de nos centrales, on ne le retrouve pas sur le territoire français. Au-delà de ça, pour l'instant, c'est vrai qu'on... Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. La question du kilowattheure pas cher grâce à notre merveilleuse électricité nucléaire, c'est quelque chose qui est faux parce qu'il y a un certain nombre de coûts qui pour l'instant ne sont pas pris en compte en fait dans le coût de l'électricité. Et c'est notamment le cas de toute cette question de la gestion des déchets. Donc c'est quelque chose qui, à un moment donné, il va falloir le payer, il va falloir payer la note. Et du coup, ce sera certainement au contribuable français de le faire. Donc, parmi les mythes et les fables, si je vous comprends bien, nucléaire, énergie propre, non. Nucléaire, pas cher, non. Donc, il y a quoi? Il n'y a aucun avantage au nucléaire? Il n'y a aucun avantage au nucléaire et donc la seule solution c'est d'en sortir et le plus rapidement possible. Alors, ok, on en sort, mais en même temps il faut développer les énergies renouvelables, on est bien d'accord. L'un ne va pas sans l'autre. Comment on construit ce mécano-là? Comment vous le voyez, vous? Alors le problème aujourd'hui c'est que le nucléaire continue à capter l'essentiel des subventions en la matière et que du coup il y a très peu d'investissements qui sont faits sur soit la recherche de nouvelles énergies, soit pour investir dans les énergies qu'on connaît déjà et également en matière d'économie d'énergie, de sobriété énergétique. Nous, à sortir du nucléaire, on n'a pas de scénario préétabli, construit sur une sortie du nucléaire. Mais au moins un principe. On ne positionne pas là-dessus. Mais il y a des scénarios qui ont été construits par d'autres. C'est le cas de l'association Negawatt, c'est aussi le cas de Greenpeace, qui ont construit des scénarios avec les énergies dont on dispose actuellement. Et qui montre que c'est réaliste, que c'est possible en France de sortir du nucléaire. Ah bah voilà, ce sera le mot de la fin. C'est possible en France de sortir du nucléaire. Excite Marie Frachis du réseau, sortir du nucléaire. Merci pour tous ces éclairages. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'incident de la centrale de Blaye, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles de notre site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.